Léonce Vitaliho. Bonjour à tous et bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principales articulations. La ministre burundaise de la Santé publique et de lutte contre le sida annonce la mise en place d'un nouvel organe dénommé Autorité burundaise de régulation des médicaments. Josiane Nijimbele l'a dit ce mardi à l'Assemblée nationale. Au sud du pays, le gouverneur provincial de Rumonge, Juvenal Bigirimana, parle d'une cohabitation relativement bonne des partis politiques. Vous l'entendrez dans cette édition. Dans cette édition également, le commandant de la police spéciale de roulage appelle les passagers à dénoncer les transporteurs qui s'arrogent le droit de mettre dans leur véhicule des passagers d'autrui. On fait le point sur le cas Bujumbura-Muyira. Et d'un autre côté, au sud de la capitale, des usagers de la route reliant la 7e et la 12e avenue, respectivement en zone Kanyosha et Musaga, demandent la réhabilitation de cette route. Des nids de poules y observés perturbent la circulation, surtout en cette période de pluie. Encore une fois, bonjour et bienvenue à cette édition. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Politique d'abord, pour vous dire que la cohabitation entre les membres des partis politiques à Rumonge est relativement bonne. C'est du moins ce que déclare le gouverneur de cette province du sud du pays après que le représentant du parti Ranak ait dénoncé le vol du drapeau de ce parti qui a été perpétré en commune Minago dans la nuit de dimanche à lundi. Juvenal Bigirimana demande à toutes les victimes de ce genre de forfait de saisir les autorités habilitées afin qu'elles puissent prendre des mesures qui s'imposent. Suivez le gouverneur de Rumonge, Juvenal Bigirimana. Cela, ça peut être vrai parce qu'il peut y avoir un malfaiteur qui peut prendre le drapeau d'un parti politique. Et c'est arrivé pour les autres partis, même pour le parti CNDD-FDD. Et dans les jours passés, il y a eu ce cas là où on a trouvé que les drapeaux de ce parti ont été volés. Mais cela ne veut dire pas qu'il y a la guerre. Ça, c'est pas vrai. Et alors, il y a d'autres partis politiques de l'opposition même. Pourquoi est-ce qu'on ne vole pas les drapeaux des partis comme Frodebou, comme Frodebou Nyakuri, comme CNDD, comme même d'autres partis, les Frodina? Et il peut s'agir aussi de la politique. La politique se joue différemment. Il peut arriver que quelqu'un veut qu'on parle de lui. Pour moi, c'est vrai, à Rumonge, on a la paix. À Rumonge, tous les partis politiques et tous les membres des partis politiques vivent en paix et en sécurité totale. Et aussi, il y a une bonne collaboration. Et aussi, il y a un groupe des partis politiques qu'on a créé. En cas de problème, c'est ce groupe qui travaille et qui met tout au clair. Le commandant de la police spéciale de roulage appelle les passagers qui empruntent la route Bujumbura-Muyira via les véhicules de transport en commun à aider la police en refusant des passagers de trop. C'est après qu'il ait été constaté que des transporteurs s'arrogeaient le droit de dépasser le nombre prévu de passagers selon les capacités de véhicules. Le commandant Roger Bangbiguira ne nie pas qu'il y ait complicité de certains policiers. La question de surnombre est connue et de tels cas sont sanctionnés suivant le code de la circulation routière, dit. Suivez-le au micro d'Alain Désiré Boukayenèze. Le phénomène de surnombre de passagers dans les véhicules de transport rémunéré sont des faits qui de temps en temps sont observés et chaque fois qu'on se reprend de tel cas, on les sanctionne conformément à la loi, conformément au code de la circulation routière. J'en profiterai pour lancer un appel à l'endroit des chauffeurs pour qu'ils comprennent que, à part l'argent qu'ils gagnent, ils doivent aussi prendre en compte la sécurité des passagers, la sécurité de leurs clients. Je voudrais aussi en appeler aux passagers pour qu'ils défendent leurs droits, pour qu'ils s'assurent que le confort auquel ils ont droit est garanti en refusant un passager en surplus, en excès. Parce qu'eux aussi, ils ont un rôle à jouer. Parce que je suis convaincu que si les passagers disent non, ça c'est trop, nous sommes un nombre tel et à quand notre passager ne doit monter le véhicule en plus, je suis sûr que le chauffeur n'aura d'autre moyen que de céder. N'y aurait-il pas de policiers en charge de la circulation routière qui seraient impliqués ou complices dans ce mauvais chargement? Je ne peux pas dire que mes hommes sont des anges, mais ceux qui se méconduisent, ceux qui passent sous silence certaines irrégularités relatives à la circulation routière et aussi ils sont traités comme tels, ils sont traités conformément à la loi Mais, encore une fois, ce n'est pas une marque de fabrique, ce n'est pas un comportement qui nous caractérise, mais chaque fois que de tels cas sont surpris, ils sont sévèrement à sanctionner. Des usagers de la route reliant la 7e et la 12e avenue, respectivement des zones Kanyosha et Moussaga en commune urbaine de Mouha, se plaignent de son état. Des nids de poules y observés perturbent en effet la circulation, surtout en cette période de pluie. Ils demandent que cette route soit réhabilitée pour l'intérêt général. Reportage signé Ali Dandaïkeza. Nous sommes au niveau de la route reliant la 12e avenue de la zone Moussaga et la 7e avenue de la zone Kanyosha. Cette route est caractérisée par des nids de poules d'environ 1 mètre de diamètre. Il y a également de la boue et des eaux stagnantes. Un élève utilisant tous les jours cette route dit que ce n'est pas facile de s'y déplacer quand il a plu. Quand je quitte Moussaga en passant par la 12e avenue, au début, la route est en bon état. Mais quand il traverse la rivière Kanyosha, tout change. S'il pleut, il y a un embouteillage de véhicules qui peuvent nous jeter de la boue. Beaucoup d'élèves passent par cette route. Si par malheur, on te jette cette boue, ça devient un problème. Tu arrives à l'école et en salle et tu ne peux pas retourner à la maison, surtout pendant cette période d'examen. Pour le moment, ils devraient mettre un peu de terre et de pierres pour faciliter la circulation. Une autre personne indique que cette route endommage les véhicules. Cette route est vraiment en mauvais état. Si tu fais passer ton véhicule par ici, tu peux être sûr qu'une pièce va tomber du véhicule. D'autres propriétaires n'aiment pas affecter leur bus sur l'axe de Kanyosha par peur de voir leur véhicule être amorti en aussi peu de temps. Ils préfèrent travailler à Kiwenga ou Kinalira. Quand on quitte le centre-ville, on n'arrive pas à destination. Les chauffeurs préfèrent nous laisser au niveau de chez Nichaenzi par peur de l'état de cette route. À part ces véhicules qui s'aventurent sur cette route, même les motos connaissent le même sort. Les amortisseurs de nos motos sont détruits quand on passe sur cette route. Si on transporte des femmes enceintes, elles préfèrent descendre de la moto et continuer à pied. Nous demandons que cette route soit réhabilitée. Les habitants de cette localité disent que cette route n'a jamais été réhabilitée depuis sa construction en 1994. Cela étant, toutes les routes desservant la zone Kanyosha se trouvent en mauvais état. La revalorisation des symboles de la nation et la redynamisation de la police, de la politique et de la formation patriotique sont à la base de la restauration de l'hymne national dans les écoles par le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Comme l'indique Jouma Edouard, le porte-parole de ce ministère, il s'observait un relâchement dans certaines écoles en ce qui concerne cette tradition. Suivez-les au micro de Gertrude Mawenayo. Oui, effectivement, le ministère vient de lancer une circulaire à l'endroit des directeurs de toutes les écoles, des directeurs provinciaux et communaux de l'enseignement, pour que, effectivement, la valorisation des symboles de notre pays, notamment l'hymne national et les couleurs nationales et le drapeau national, soit restaurée dans les écoles. Ceci suite, justement, à un relâchement qui était déjà observé dans pas mal d'écoles, bien qu'il y en a d'autres qui, quand même, avaient maintenu cette tradition. Et ça s'inscrit également dans un programme vaste du gouvernement. Il y a un programme qui vise justement la formation patriotique pour que nos valeurs culturelles, nos valeurs sociales ou politiques soient vraiment restaurées. À travers donc l'hymne national et les couleurs nationales et drapeau national qui seront désormais exécutées avant les débuts des cours. Et après, c'est pour que les jeunes enfants soient imprégnés de ces valeurs et qu'ils sachent réellement que ce sont des symboles extrêmement forts qui font l'identité de notre pays. C'est donc tout à fait normal pour un ministère qui est en charge de l'éducation de la jeunesse de s'inscrire dans cette logique-là. Sur certaines écoles, on voit aussi que les élèves chantent l'hymne de l'EAC. Est-ce que c'est une obligation de chanter l'hymne national et à la fois l'hymne de la communauté est-africaine? Il faut bien distinguer l'objet de la circulaire qui a été lancée dans les établissements. Et tout à fait clair, il s'agit bien de chanter l'hymne national avant le début des travaux et après. Quant à l'hymne de l'EAC, nous devons également développer chez nos jeunes cette conscience de l'appartenance à la communauté est-africaine. Ce n'est pas seulement pour chanter, c'est plus pour que les jeunes comprennent les termes qui composent cette chanson, parce que là, il y a dedans les valeurs de solidarité, de valeurs d'entraide, de valeurs d'autonomie ou d'indépendance. Et cette fraternité-là, il faut que les enfants, les jeunes enfants le développent aussi pour qu'ils sachent que, oui, nous sommes Burundais, mais nous sommes également membres d'une communauté. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a demandé que les élèves, les écoliers connaissent cette chanson. Mais le niveau d'obligation n'est pas à comparer avec l'hymne national. La population de Bubanza décrit les vols et pillages nocturnes qui sont observés ces derniers jours sur différentes collines, ce qui est également confirmé par tous les administrateurs communaux. Ces habitants suspectent déjà les anciens prisonniers qui ont récemment été libérés à la suite de la grâce présidentielle. L'administration et la police appellent ces populations à veiller et dénoncer toutes les personnes suspectées. Le point avec Spes Caritas Kabanyan. Au centre de Muzinda, en commune Rugazi, par exemple, au cours de la semaine passée, une boutique d'une certaine Inès a été complètement pillée et notre ménage de la même localité a été dépouillé d'une télévision, de téléphones portables et des habits. Un champ de manioc a été également récolté par des inconnus sur la colline Kirengane, dans la même commune de Rugazi, comme l'a précisé le conseiller de l'administrateur de cette commune de Rugazi au cours d'une réunion de sécurité tenue ce mardi dans les locaux de la commune Manda. Au cours de la même réunion, les administrateurs ont précisé que des vols nocturnes et des pillages prennent de l'ampleur ces derniers jours. Des populations qui se voient dépouillées de leurs biens se lamentent et suspectent certains des détenus dernièrement libérés par la grâce présidentielle. Et cela a été même soulevé au cours de la même réunion de sécurité de ce mardi. De son côté, le conseiller principal du gouverneur qui tenait la réunion a qualifié d'accusation gratuite le fait que ces pillages seraient commis par des anciens détenus aussi longtemps qu'ils n'ont pas été attrapés à Sere Nitunga, appelle la population à veiller et à la solidarité et que les voleurs qui seront attrapés en flagrant délit soient traduits en justice conformément à la loi. Pescaritas Kabanyana, Rubanza, Radio Isanganiro. À Bubanza, toujours des champs, des maisons et des routes ont été endommagés par la pluie qui s'est abattue ces derniers jours sur la province de Bubanza. En commune Bubanza, on parle notamment d'au moins 30 hectares de champs qui ont été emportés par des inondations sur seulement trois collines. L'eau de la rivière Kajeke a été bouchée au niveau du barrage et il s'est formé un lac artificiel qui a finalement submergé plus de 15 hectares de champs. Ce n'est qu'hier mardi qu'on est parvenu à déboucher cette eau en vue de limiter les dégâts. Les affiliés de la mutuelle de la fonction publique en province de Gitega au centre se plaignent que cette mutualité ne leur donnait pas de médicaments pour des maladies chroniques. Ils disent qu'ils sont obligés de les acheter dans d'autres maisons à des coûts exorbitants. Des informations provenant de la mutuelle de la fonction publique à Gitega indiquent que ce manque de médicaments est essentiellement dû au manque de devises pour s'approvisionner à partir de l'étranger. Et puis, une institution dénommée Autorité burundaise de régulation des médicaments, abrément en sigle, sera bientôt mise en place. Lors de la présentation du projet de loi portant sur le code d'offre de soins et services de santé au Burundi à l'Assemblée nationale hier mardi, les députés de l'Assemblée nationale ont voulu savoir les procédures d'instauration de cette autorité. Dr Josiane Nijimbele, ministre de la Santé publique et de lutte contre le sida, explique que l'abrément sera mis en place par décret présidentiel. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Eli Kadogo pour la collaboration technique. Excellente journée à tous. Au revoir. Issa.